Bonus. Trax. Campus, rejeté par les flics parce qu'il y a eu une espèce de série de meurtres mystérieux et monstrueux la nuit dernière, auquel vous n'êtes absolument pas lié. Ah non. Pas du tout. Rien à voir. Je connais pas. Ça se mange. Vous vous retrouvez donc à trois dans la camionnette, donc Big Joe, Erwan et Abe, pendant que Francisco, lui, a décidé d'aller rendre visite à une certaine Sarah Wells, la meilleure amie de Roddy Flores, le premier étudiant disparu. Oui. Entrez. J'ouvre la porte, cette fois je passe pas à travers la porte. Oui, bonjour, mademoiselle Wells. Oui, vous êtes Je suis un... Le pervers. Vous avez pas vu mes photos récemment? Je suis qui déjà? Sinon, est-ce que tu fais pas partie des détectives de la famille? Oui, je suis détective privé, j'ai été embauché par la famille de Megan Jones. D'accord. Je voudrais vous poser des questions sur Rudy Flores, votre ami. Oui. Alors, donc, tu vois que Sarah Wells, c'est une étudiante d'une vingtaine d'années qui, comme tu le sais, est étudiante aux Beaux-Arts, comme l'était Roddy. Mais il n'y a que ça dans cette fac, en fait, des étudiants de Beaux-Arts. Oui, mais il ne servait que d'elle. C'est bien ce qu'on dit. Oui, je peux répondre aux questions sur Roddy. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Vous savez ce qui lui est arrivé? Parce que... On mène l'enquête, là, mademoiselle. Est-ce que la dernière fois que vous l'avez vu, Roddy, c'était quand? Alors, la dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a un peu plus d'une semaine. Mm-hmm. Et c'était sur le campus? Ouais, c'était sur le campus, ouais. On finissait des cours ensemble, il rentrait à sa chambre, en fait. D'accord. Quel genre de relation vous entreteniez avec... C'était mon ami. Mm-hmm. Vous connaissez depuis longtemps? Ça fait 2 ans qu'on étudie ensemble. Vous étudiez? Attendez, excusez-moi. Je réfléchis en même temps. Il était harcelé, hein, c'est ça? Oui, il subissait beaucoup de mauvais traitements, il y avait plein de... Quel genre de traitement? Des busutages, ce genre de choses. Il y avait tout un groupe de jeunes qui n'arrêtaient pas de lui l'emmerder, en fait. Certains Zach quelque chose, c'est oui, ça? Oui, tout à fait. Oui, non. Je suis au courant de cette histoire. Ouais, il lui avait même filé un surnom, ils arrêtaient pas de le... Ah ouais, ouais. C'est quoi comme surnom? El Pasmado. Je comprends pas bien l'espagnol. El Pasmado, c'est-à-dire quoi? Oh, je sais pas, je parle pas espagnol. Ok, bon, on dit que je sais, moi, vu que je suis espagnol, normalement. Bah oui, tu devrais le savoir. Ouais. Ça veut dire quoi, du coup? Le paumé. Le paumé. Le paumé, ah oui. Ouais. Ah, très bien, d'accord. Et est-ce que on a fouillé les affaires de Rudy? C'est parce que c'est hors jeu, pardon. Bah, on avait son ordi. On avait son ordi. Ouais. Non. Ah bon? Non. Ah non, pas. C'était la victime, Brandon. Ah oui, non, pardon. On n'a pas fouillé sa chambre à lui, alors, c'est ça? Si vous êtes parti de l'un des harceleurs, c'est vrai. L'ordinateur d'un des harceleurs, puisque vous aviez trouvé toutes les vidéos et tout ça. Ah oui, alors Rudy, il était en colocation. Il était en coloc, alors lui aussi. Il avait une petite chambre universitaire. Ouais. Vous savez, des petites chambres tout en haut sous la comble. Ah oui, vous pouvez pourriez m'indiquer où c'est exactement? Ouais, bien sûr, je vais vous conduire, il n'y a pas de problème. Allons-y, mademoiselle, s'il vous plaît. Donc, elle t'emmène. Je marche comme ça dans les couloirs. J'essaie de cacher. Plusieurs bâtiments à côté. Quel beau mur. C'est ça. Est-ce que je te demanderais bien un petit jet d'agir sous la pression pour éviter de te faire repérer comme ça? Je suis ultra cool, hein, j'ai plus d'un coup là. Merde. La vache. Fais 6. Ou 6. Ouf. Même avec ton plus d'un cool. Tu peux cocher une petite case expérience. Ou une case de chance. Ou une case chance. Ah oui, ou une case chance. J'ai déjà utilisé 2 chances. Hein. Oh, t'es dans la moyenne du groupe. Hein. Oui. Parce que là, je vais me faire emmerder, quoi. Putain. À 6, il y a des chances que ça soit un peu plus qu'emmerdé. On risque de te sortir. Bon, j'utilise un point de chance. Donc, sans aucun problème, tu arrives à suivre Sarah sans te faire emmerder. Et comme ça transforme le truc en 10+, voire en 12+, tu vois même un mec qui te ressemble un peu, qui lui se fait embarquer par 2 vigiles. Putain, j'ai chaud. Sous les airs de « Non, mais c'est pas moi !» Je dis à Sarah, oui, il y a des pervers sur le campus, hein, faut faire très attention. Elle regarde, elle te regarde un peu... Alors, comment ça va, tes études On est bientôt arrivés. Et bientôt les examens, là, les partiels. Ouais, ouais, bah, y a la grande fête de l'université aussi. Quand ça? Ça commence demain soir, je crois. Ah, ah bon? Demain soir, le grand final, alors, très bien. Ah ouais, c'est bon à savoir. Il y a une fête demain soir, très bien. Sur le campus, alors? Mais avec tout ce qui se passe sur le campus, vous croyez qu'elle va être maintenue cette fête? Bah, je sais pas, c'est une bonne question. Mais normalement, c'est là où tous les étudiants des différentes filières présentent ce qu'ils font, etc. Ah oui, c'est un gros événement. C'est une espèce de grand festival où, où tout le monde présente ce qu'il a fait dans l'année, montre ses projets, ce genre de choses. D'accord. Je crois que je vous en avais déjà parlé de ça. De cet événement? D'UEMC aux joueurs, ouais. Ah. De quoi? Ça me dit rien, là, comme moi ça. Non, en même temps, ils ont perdu nos notes. Moi, ça me dit rien non plus, j'avoue. Ah, faut se faire tatouer ses notes sur sa peau pour être sûr de les avoir. Bref. On arrive à la chambre. Vous arrivez devant, effectivement, la petite chambre. Tu t'aperçois que c'est tout au fond du couloir. Une chambre, vu la taille du truc, tu te dis que ça doit faire 3 mètres sur 3, grand max. On ouvre la porte est ouverte. Ouais. Enfin, et la porte est fermée. Oui, c'est ça. Vous n'auriez pas les clés. Ça, c'est la chambre de Roddy, mais... Ok. Je lui dis, oh, regardez au bout du couloir, là-bas. Et je, avec ma main, je fais passer un truc dans la serrure. Tu sais, j'essaie d'ouvrir la porte. Mais t'es peu de matériel. Mais je peux crocheter la serrure en faisant passer mes doigts à travers la serrure. Je manipule la serrure pour l'ouvrir. C'est pas possible, ça? Tu lui dis merci, ciao, et tu passes par le mur. Ouais. Ah oui. Ouais, non, moi j'aime bien aussi ton... Enfin, après, mettre les doigts dans l'engrenage, remartériser que... Mais par contre, passer la main de l'autre côté et... Tourner la poignée, quoi. Et tourner le verrou. Je fais ça, alors, oui. Bah, si tu considères que c'est un verrou, il n'y a pas de souci. Hein. Oh là, ce serait pas le pervers, là-bas, regardez. Ah, encore un pervers. Là, je fais ça, du coup, je vous... D'accord. Très bon. Ah, c'est ouvert, tiens. Comment vous avez fait? Non, vous avez pas dû bien regarder parce que c'était ouvert. Hein. Bah, ça fait une semaine que j'essaie de voir comment je peux rentrer. Ah oui? Ouais. Bah, attendez, c'est mon métier aussi, je suis détective. Hein. Ok. Bah allons-y. Ouais. Oui, donc attendez, restez là. Je fais semblant. Moi, j'ai pas de flingue, mais je fais comme ça avec mes doigts. Je lui dis, attendez-moi dans le couloir, je vais regarder à l'intérieur, on sait jamais. J'ouvre la porte. Elle te regarde quand même ultra bizarrement. Non, je connais mon métier, mademoiselle. Tu sens qu'elle reste sur le pas de la porte? Plus parce qu'elle se méfie de toi, plus que parce que tu lui as dit de faire attention et de rester. Hein. D'accord. Moi, je rentre dans la chambre. La méfiance est éphémère. La chambre est vide. C'est une chambre qui a l'air assez tristoune, puisqu'il n'y a vraiment aucun lit. Pas mal d'affaires un peu éparpillées partout. Il n'y a rien d'exceptionnel dedans, quoi. Bah, je peux enquêter sur un mystère, là. Et tu peux complètement enquêter sur un mystère. Et nous, est-ce qu'on peut pas l'aider? Genre, en fait... Bon, bah, trop... Vous êtes pas là, de toute façon? Comment vous pouvez m'aider? Bah, par téléphone, on te donne des conseils. Ah. Par télépathie? C'est pas dangereux. Bah, je peux essayer, hein. Mais vu qu'on ne me fait plus confiance... Ah, mais on te fait confiance. À ta télépathie qu'on fait pas confiance. Sinon, je fais 10. Alors, est-ce que... De quel genre de créature s'agit-il? Je pourrais le savoir en fouillant sa chambre. Vu qu'a priori, c'est lui le monstre. Ah, peut-être. Un petit « que s'est-il passé ici ?» Non. Bon, bah, je pose ça comme première question. « Que s'est-il passé ici ?» est une possibilité aussi. À quoi est-elle vulnérable aussi? Ah, ça pourrait être pas mal. Ou alors, où est-elle partie? Où est-elle partie aussi? Ah, c'est chiant, ça. Alors, donc, de quel genre de créature s'agit-il? Ok. Donc, première question. Alors, tu fouilles un petit peu toutes les affaires de Roddy, sous une latte branlante du plancher, tu trouves une petite boîte avec différentes pilules. Tout estampillé Atlantix, et elle ne ressemble pas du tout au Paradise. Oh là, attention. J'ai les yeux qui brillent, hein. On Tu penses que ces pilules sont sans doute à l'origine d'une transformation chez Roddy. D'accord. Et Sarah, qui bien sûr ne t'a pas écouté et est quand même rentrée dans la chambre une fois que tu t'es mis à fouiller, regarde pas dessus ton épaule et fait « Ah ouais, ça je connais, c'est Roddy m'a dit qu'il y avait un mec qui lui avait filé ça et que c'était un traitement contre son obésité. » Ah oui, j'en ai entendu parler, mais vous avez... c'est qui ce mec là qui a vendu ça? Je sais pas, c'est Roddy qui m'a dit ça. Ah oui? Ouais. Et vous avez ce genre de pilule, vous aussi? Ah non, pas du tout. Non, c'est... D'accord. C'est grosse, c'est ça? C'est ça. Vous me traitez de grosse? Non, mais... Calmez-vous, mademoiselle. Vous faites de la grossophobie? Ah d'accord, un mec qui est sur le campus qui vend qui arrive. Je ne sais pas, c'est Roddy qui m'a dit qu'il avait rencontré quelqu'un qui lui avait donné ça, que c'était un traitement contre son obésité. C'est récent hein, cette rencontre, vous savez. Non, peut-être 2 semaines, un truc dans le genre. Pas ça suspect qu'il cache des traitements contre l'obésité dans son parquet. Ah, il marque un point là. Écoutez, je ne sais pas, je ne savais pas qu'il cachait son traitement sous son parquet. Il m'a juste parlé du fait que quelqu'un lui avait donné un traitement. Il m'avait montré une de ses pilules. Non, mais alors je vais les embarquer pour l'enquête. Hein. Vous voulez pas prévenir la police ? Si, mais la police, ils sont là. Il s'est passé un truc terrible sur le campus, vous êtes au courant ? Ah non. Ah oui, bah non, bah là. Bah, je vais pas vous raconter. Allez voir. Bah, vous pouvez aller d'ailleurs. Allez voir sur le campus. Hein, y a les flics sont partout. Hein, donc d'accord. Okay. Bah, j'irai voir après. Je continue à fouiller. J'ai une deuxième question. Tu as une deuxième question. Alors, et quoi est-elle vulnérable comment, ou alors où est-elle partie? Mais où est-elle partie On pourrait savoir si par où il passe. Ah, mais est-ce qu'il vit encore dans sa chambre? C'est même pas sûr ça. Non, mais par exemple, comme le poulpe apparaît, peut-être qu'il se balade dans les égouts ou il se balade, je sais pas, par quelque chose. Allez, que voulait-elle faire? Il y a ça aussi comme question. Ouais, il y a ça. Ah, ça me paraît pas mal ça. Bah, ça me paraît évident. Hein. Il aspire le sang des victimes et tout, ce sont des harceleurs quoi. Ouais, une sorte de vengeance. On peut peut-être en savoir plus, notamment sur le grand final. Ça pourrait être pas mal. Ah, aussi. Alors, que voulait-elle faire? La créature, que voulait-elle faire? Ouais. Pour toi, il y a quelque chose qui a du mal tourné dans l'espèce de traitement qu'on a filé à Roddy. Oui. Non. Et que plutôt que de couper sa faim, ça l'a plutôt amplifié. Mm-hmm. Et donc, tu penses que la créature, en fait, cherche à se nourrir et va devoir se nourrir de plus en plus. Parce que plus elle se nourrit, plus elle va avoir faim. Ok. Elle se nourrit de graisse. Compte le numéro de pilule. S'il y en a moins le lendemain, c'est qu'il revient, elle en prend encore. Ah, moi, j'étais parti pour embarquer les pilules. Hein. Ah ouais. Oui, aussi. Ben, ouais. Ben, il va péter un câble quand il verra qu'il y en a plus. Mais alors, est-ce qu'il revient, moi est-ce que... Ben non, je peux pas... J'ai posé mes questions. T'avais que 2 questions? Ouais. Ah ouais. Alors, si c'est un truc qui se nourrit beaucoup, c'est que c'est un truc qui est très gros. Mmh. Ouais. Et à mon avis, il bouge pas comme ça. Donc à mon avis, le siège est fixe. Et c'est les tentacules qui se glissent... Peut-être qu'il vit tout dans le bâtiment, quoi. Ah, je ne sais pas. Dans les sous-sols, faudrait faire une sorte de mission inspection. Oui, mais là, les 2 meurtres ont lieu dans 2 bâtiments différents. Mais d'ailleurs, on n'avait pas une piste par rapport aux égouts à un moment donné? Ah, peut-être. La dernière fois, ça me dit quelque chose. Hein. Si, tout à fait. Donc, en plus, ça permettrait d'éviter la police. Ça m'étonnerait qu'ils aillent dans les égouts. Ouais, et ça permet de se déplacer partout. Mission, c'est comme à chaque épisode, on va aller dans les égouts, quoi. Ouais, mais c'est ça, en fait, j'avais la mission égout en tête, je me suis dit, ouais. C'est vous deux, d'ailleurs, les spécialistes Big Joe et Erwan des égouts, non? Vous aimez bien nager dans les égouts, il me semble. Ouais. Alors, descendre une fois, te fais pas de toi un spécialiste, si tu veux. On a failli, on a perdu un petit portefeuille, tout va bien. Non, par contre, moi, les souterrains, j'aime bien. Ok, bah c'est Abe qui va me lever. De toute façon, si t'es face au monstre, vaut mieux envoyer Abe. Hein. Toute seule? Non, bah on se met derrière elle. Elle. Ok, bah je dis à Sarah, merci mademoiselle. Je vais prendre vos coordonnées pour l'enquête, s'il vous plaît. Ouais, bah je vais prendre les vôtres aussi. Comme ça, si j'ai d'autres informations, je vous appellerai. Bah pas de problème, appelez-moi. Et donc, vous échangez vos numéros de téléphone. Oui. Tu lui donnes le vrai? Je lui donne le numéro de Big Joe. Comme chaque fois qu'il a un numéro à donner, c'est toujours le tien, hein, je sais pas. En fait, je vais lui donner un faux numéro qu'il va donner à tout le monde pensant que c'est le mien. Alors que ça sera le numéro de Abe. Abe, elle va pas comprendre. Oh, c'est quoi tous ces admirateurs? Ah, mais je vais dire à Big Joe tout à l'heure qu'il peut être susceptible d'être appelé comme... Alors, je suis déjà susceptible. Alors, après, susceptible d'être appelé, ça me gêne un peu. Donc je me remets discrètement, enfin en mode discrétion plutôt. D'accord. Et je pars très vite. Tu pars, ok. Mais tu t'aperçois qu'en fait, la jeune Sarah, elle te suit, en fait. Elle me suit. Elle te suit. Oui, je peux vous aider? Oui, en fait, je me demandais, mais vous allez où? Et puis les événements dont vous m'avez parlé, ils sont produits où? Et vous avez trouvé quelque chose, du coup? Vous pensez avoir une piste pour retrouver Roddy? Oui. Vous m'accompagnez? Bah oui. Ok. Tout en marchant avec elle, je lui envoie un texto à mon équipe. Je leur dis que j'ai trouvé la complice, je pense que ça se trouve c'est une complice, et que je vous la ramène et on l'enferme dans la cave de la villa. Avant de savoir quoi que ce soit... On sait pas si c'est une complice ou elle est simplement très curieuse, parce que t'as un peu l'air chelou. Ouais, mais je crois que c'est une complice. Moi, ce qui la rend quand même suspecte, c'est le fait qu'elle ait pas peur de lui et qu'elle le suive. c'est plutôt ça. Donc tranquillement, je marche pour un peu de détour, pour mettre un peu de temps, et donc je discute avec elle. Ah oui, donc il y a eu un terrible meurtre cette nuit-là. Ah bon ? À l'amphithéâtre, ouais. Ouais, la police est là pour enquêter. Ouais. Je crois que c'est ce Zach là, dont on avait parlé tout à l'heure qui est décédé. Non. Si, c'est très triste. Zach et toute sa bande de potes. Et toute sa bande de potes. Ils sont tous morts, retrouvés morts. Ah merde! Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Je peux pas vous dire, c'est confidentiel. classé X. Et pourquoi ils sont là alors, les policiers? Et tu vois qu'effectivement vous arrivez presque à l'entrée. Allez, il y a aussi un gardien, le gardien du campus qui s'est fait tuer cette nuit. Ah merde. Enfin, on suppose qu'il s'est fait tuer parce que son corps a disparu. Ah c'est pas facile toujours mon métier, mademoiselle. Hein. Ouais. Est-ce que je m'approche? Ouais, il faudrait qu'on. Comment on va ressortir de l'enceinte? Bah, tu peux pas la semer. Genre, à un moment, elle fait trois pas et toi, tu t'es porté dans un. Bah, j'ai pas envie de la semer, j'ai envie de l'amener dans un piège pour qu'on la capture. Bah, les égouts, ça me semble être une bonne idée, non? Oui, on peut se retrouver tous là-bas. Nous, c'est une manière d'entrer. Ouais. Ouais. Bah, c'est le seul moyen pour nous d'entrer. Hein. Je vois pas comment on peut faire autrement. Et peut-être qu'elle te suivra pas, du coup. Ah, oui, alors, vous voulez me suivre dans les égouts? Cette proposition. Ouais, ouais. Vous voulez qu'on aille prendre un café à l'extérieur du campus, si vous voulez? Comme ça, on peut... Non, en fait, moi, je veux retrouver Roddy. Ouais, ben, c'est, je pense qu'il sera peut-être à la cafette, donc... Mais non, mais... Elle sort le flyer, elle fait... Vous êtes sûr que c'est pas vous, là? Bon, alors... on me téléphone, je reçois un coup de fil. Donc, je dois vous laisser, mademoiselle. Pas de problème, donc je vous rappelle dès que j'ai plus d'informations. Au revoir. Je m'éloigne, on s'en sort de téléphoner. Elle aussi sort son téléphone et commence à appeler. Bah, je marche. Non, tu veux pas te entrer dans une salle à côté de là où elle est, histoire d'écouter à qui elle va téléphoner? Mais on est dehors, hein. Moi je nous imaginais dehors. Oui, on est au milieu de nulle part. Enfin, on est dehors. Ah oui, vous êtes dehors. Pour moi, vous êtes sorti du bâtiment, vous êtes dirigé vers la guérite du gardien près de l'entrée. Alors je me retourne, je fais comme Columbo et je fais ah, au fait, j'ai oublié de vous demander. Oui, dit-elle en. Ah, je vous dérange au téléphone peut-être? Vous êtes au téléphone avec qui? Je vous dérange, dites-moi, il n'y a pas de problème, hein. je peux vous laisser. Oh, oui, un peu là. Attendre la fin de votre coup de fil, pas trop. Oui, oui, oui. Bah, allez-y, bah, j'attends. D'accord. À côté d'elle. Et elle s'éloigne un petit peu. Et bah, moi, je fais des pas chassés pour me rapprocher. Non, mais d'une distresse. Attends, mais il est là, il me suit. Venez vite. Ah oui, elle appelle. C'était les flics. Vous avez la merde. c'est bon, vous avez terminé? Oui, oui. Donc rendez-vous ce soir à 23h30. Non non. Sur le parking. Se barre au courant, oui. Dans les égouts. Ok, moi aussi je pars dans la direction opposée. En hurlant, il est là, il est là. Hurle, elle est là, elle est là. Elle est là. Elle est là, c'est elle. En courant très très vite. Tu vois qu'il y a deux vigiles effectivement qui se dirigent vers la nana pour lui demander ce qui se passe, qui sortent à l'opposé de toi. Toi, tu fais quoi? Après, il y a un bâtiment là. Si. Je te traverse au bâtiment. D'accord. Okay. Mais du coup, ça veut pas faire juste distraction pour les vigiles qui nous bloquent l'entrée, donc comme ça nous on passe? Bah, il y a trop de monde à mon avis. Hein. Bon, il y a plein de vigiles, non? Ouais. En fait, c'est pas des vigiles qui vous bloquent l'entrée, c'est la police. Ah, c'est la police, c'est vrai. C'est la police. Ouais. Ouais, je rentre dans un bâtiment pour disparaître d'un coup là. Ok. Pas de soucis. Je me retrouve à les toilettes de... Les filles. Oh, le fantôme des toilettes. Le pervers. Le pervers. Les douces. Ok, je suis tombé dans un endroit particulier ou pas du tout? Non, t'es pas tombé dans un endroit particulier. T'es tombé dans un bâtiment où il y a des salles de cours. Ok. Coup de bol, inoccupé pour le moment. Vu le ramdam qui se passe, il y a eu pas mal de cours qui sont... Eh ben, je fais un texto à l'équipe en leur disant rendez-vous dans les égouts peut-être. Ouais. Hein? Rendez-vous dans les égouts. Par contre, où ça? Parce que les égouts, généralement, c'est un peu labyrinthique. Bah oui. Bah, quand vous y êtes, vous faites des petits bruits d'animaux, je vous retrouverai. Oui, oui, oui. Non, mais peut-être que ça capte dans les égouts, non? Ça capte pas. Ah, difficile. Il n'y a pas de chance. Ouais. Non, mais ou alors on entre dans les égouts près d'un truc et toi tu nous rejoins. Voilà, ouais. Ouais. Vers le plus proche déversoir d'orage, je sais plus comment on appelle ça. On peut aller vers au niveau du bâtiment de Beaux-Arts, genre en dessous, un truc comme ça. En fait, le problème c'est que. Pourquoi toi tu veux rentrer depuis le campus? Parce qu'à la rigueur tu peux traverser. Ouais. Je peux ressortir, bah, je sais pas, ça me paraît compliqué de sortir du coup là. Tu peux traverser tous les murs. À la limite, même si tu voulais, tu pourrais traverser le sol pour aller dans les égouts. Bah oui, c'est ce que je peux faire. Bah ouais, mais du coup tu ressors et puis... Bah faut qu'il s'assure qu'il y ait des égouts en dessous quoi. Ah oui, oui, oui. Bah je vais dans les toilettes du bâtiment. Ouais, effectivement. Et je traverse, et je me retrouve... Passe par la chaise d'eau. C'est mini génial. Je passe par la chaise d'eau. Ok Harry Potter. D'accord, et donc du coup pas de problème, donc vous recevez donc le coup de fil texto de... Pourquoi vous nous emmenez dans les égouts celui-là? Encore? Ouais, vous voulez pas visiter les égouts? C'est pas ça qu'on a dit? Si, mais c'est juste qu'elle se plaint tout le temps. Fais pas attention, c'est pas grave. Bon, bah, on cherche une bouche d'égout. Mais à l'extérieur du campus. Ouais, ouais, bah, vous trouvez centre de mal et vous rentrez dans les égouts sans aucun souci. Hein. Ça... Ouais, par contre, tu vas devant, toi. Ah, bah oui. Allez, la vieille, devant. Ok. Et une fois dans les égouts, vous essayez de vous guider plus ou moins pour aller sous le campus et pour aller là où vous a indiqué Francisco. Enfin, je pense quand même que j'ai assez le sens de l'orientation dans les sous-sols pour pouvoir le retrouver. Enfin... Ouais, c'est vrai que bon... C'est un des avantages d'être chthonien, tu vois. D'être une divinité chthonienne, oui. Ça peut... Mais du coup, juste au cas où, moi, il y a Abe qui marche devant et Big Joe est derrière. On n'est jamais trop seul. Ok. Là, l'attaque viendra du milieu. C'est le truc complètement inattendu. Ploum. Il y a combien de pilules dans cette boîte? Elles sont différentes? 5. 5 différentes? Non, elles sont toutes pareilles. Elles sont différentes de celles que tu avais récupérées du Paradise. Je vais attendre pour les gober, je vous rassure. Il y en a pris 4. Ah, il n'y en avait que 4, non. Mais ça c'est vrai ça d'ailleurs, j'en prends une dans ma réserve personnelle. Dit-il en dehors du micro pour être sûr que ça ne soit pas sur la bande. J'en mets une dans ma réserve perso. Ok. Ok où? Tout va bien. Je peux avoir un familier moi aussi. Alors, tu auras pas de familier, mais tu verras des familiers, ça c'est possible. Il n'y aura pas de souci. Ou tu deviendras le familier. Ok, donc vous avancez dans les égouts, vous, et au bout d'un moment, toi tu entends des bruits. Des bruits de quel genre? Des bruits de pas ou des bruits de succion? Non, comme si quelque chose se déplaçait dans les égouts. Ramper? Non. C'est le basilisque qui marche. Tu m'approches discrètement vers le bruit là. Tu t'approches de la source du bruit et à un moment, tu vois une espèce de... Oh merde. Énorme... Oh putain. D'énormes créatures pleines de replis, de gras, etc. C'est dégueulasse. Il doit faire dans les 4 mètres de haut, 5 de large. Il passe dans les égouts. La bouche complètement... Celui qui est sur la couverture du jeu. Presque, c'est une variante. Il m'a pas vu, on est d'accord. Justement, je continue. Donc, il marche, il a deux bras, deux jambes, complètement boursouflé. Il est énorme, mais énorme, hein, 5 mètres de large, 3 mètres de haut. Ça passe dans les égouts, oui, puisque tu as l'impression en fait que sa masse graisseuse fluctue. S'adapte. Et s'adapte aux différentes parois. Ça, c'est pratique, ça. Tu vois, donc, au niveau de la tête, c'est complètement... c'est une couche de peau complètement repliée, graisseuse, des petits yeux rouges. Et le bas de la mâchoire complètement inexistant, comme si en fait sa bouche commençait comme nous sous le nez et se terminait à peu près au milieu de l'estomac. Tu remarques des espèces d'énormes langues rouges qui frétillent à l'intérieur de cette bouche gigantesque. Que fais-tu? Je déglutis. Si on le capture, on montre une clinique de liposuction. Franchement, il y a moyen de se faire des billets. Je suis face au monstre, très bien. Je tente de lui parler, non? Tout seul. Alors je leur dis dépêchez-vous déjà. Tu envoies un petit texto, c'est ça? Grouillez-vous, j'ai trouvé Roddy là, il a petite forme. Je crois que t'as même pas besoin d'écrire, tu le prends en vidéo, tu nous l'envoies, quoi, ça suffit. Ouais, mais le connaissant, il est capable d'avoir laissé le bruit, tu sais, ça fait... Et du coup, les vents, ils se retournent. Ah oui, d'accord, ok. Qu'est-ce qu'on disait sur le réseau dans les égouts? Ah oui, en plus. Effectivement, oui. J'ai envie de lui parler, moi, donc je vais... Il est loin de moi là. Il se dirige vers toi. Il se dirige vers l'angle sur lequel tu as. Il y a combien de mètres? Peut-être 5-6 mètres. Hey Roddy! Hey! Salut! Salut mec! Je fais le mec hyper sympa. Il me calcule? Il semble te calculer puisqu'il accélère. Ok, ben je recule en même temps. Ouais. Roddy, c'est toi? Roddy? Étonnamment, il continue à accélérer. Il est plutôt rapide malgré sa masse. En fait, t'as l'impression qu'il glisse sur les parois et tu vois que plus il te capte et plus il se rapproche de toi, plus les langues s'agitent. Je passe dans le mur, à droite. Ok. Et je ressors derrière lui. C'est pas possible, ça? Si, c'est possible. Je me cache dans le mur. Ouais. Tant qu'il passe et je ressors du mur derrière lui. Et Roddy, oh. Non, mais t'es con. Le temps que vous arrivez là, qui... La créature se retourne et là, directement, tu vois des langues qui surgissent de la bouche et qui te percutent en fait. Je suis genre projeté ou... Ah ouais, t'es projeté. Tu prends 3 points de dégâts. Bye, American Pie. Attendez, j'ai des pouvoirs magiques là. Hein. Ouais. Putain, merde. Non, c'est moi qui ai la force surnaturelle. Hein. Ce n'est qu'un au revoir. Ce n'est qu'un au revoir. Je prends 3 points de dégâts, ok. Tu t'es pris un énorme coup de langue et tu es projeté et tu finis ta course à 15 mètres de là dans le mur des égouts. Donc, ok, incrusté. Le total te fait 3 points de dégâts. Ok. Et donc vous, effectivement, au loin, vous entendez un « PONK » assez retentissant dans les égouts. Je suppose que... Aïe. Vous faites quelque chose? Alors, on force très certainement Big Joe à rester. Ouais, bah non, bah, je vous laisse avancer. Moi, je me jette sur lui. Je le fais. Ah bah, vous avez entendu un plonk retentissant plus loin dans les égouts. Au loin, vous n'êtes pas à côté. Ouais. On se met à courir. Ok. Allez-y, je vous rejoins. J'ai un caillou dans ma chaussure. Bah moi, j'ai presque envie d'utiliser mon pouvoir châtiment. Histoire de défoncer le mur en fait. Oh, ça tu peux le faire avec ta force de base quoi. Parce que a priori c'est le mur d'à côté. Non, c'est plus loin en fait. C'est plus loin. En fait, c'est un peu comme si vous entendez un plonk retentissant plus loin, genre à 3-4 couloirs devant vous quoi. Il vous reste à vous engouffrer un petit peu plus loin pour aller à la source du bruit. Eh ben, on court. Bah oui. Mmh. Ok. Ouais, elle court. Donc vous vous mettez à courir et toi, que fais-tu ? Du coup, Francisco. Bah, je sors mon tromblon magique. Ouais. Et je tire sur la bête. Bah, fais-moi un jet de casser des gueules, sachant que la créature donc continue à courir, glisser vers toi et que les langues frétillent tout le temps. Donc, tu vas avoir droit à un tir avant que tu sois à portée de langue. Ah. Donc, ça veut dire que là, tu as un casser la gueule où elle ne pourra pas riposter, donc tu ne te prendras pas de dégâts. D'accord. Par contre, la prochaine fois, ça risque d'être un peu plus compliqué. Ouais, mais je tente. Donc je tire avec plus 3. Ouais, vas-y. Avec bizarre. Avec utilisez bizarre au lieu de coriace quand vous cassez la gueule. Bah parfait. Oh. 13. 13. Donc que fais-tu ? Que choisis-tu comme manœuvre supplémentaire vu que tu as le droit de choisir une manœuvre supplémentaire ? Quand je casse la gueule ? Quand je... Avec un 12 ? Avec un 10 plus ? Un 10 plus, tu peux choisir une option à cette manœuvre. Ok, bah je tire et en même temps je me rends immatériel pour disparaître dans le sol. Et ne plus être à portée du coup du monstre. Comme ça il tape dans le mur. D'accord, pas de soucis. Combien de dégâts fais-tu ? J'ignore l'armure déjà, donc s'il a une armure. Une armure de gras. Et je mets 3 points de dégâts. Proche, sanglant, bruyant. Ok, parfait. Il est touché ? Il est touché. Tu vois qu'effectivement, la graisse a explosé là où ton coup de tromblon a touché. Que ça suinte en fait, un espèce de gras jaunâtre, limite du pu. Et ce qui se passe, c'est qu'une fois que tu disparais dans le sol, il s'arrête complètement en fait... Il ne bouge plus. Genre figé. Et au bout d'un moment, commence à se retourner alors que des pas de course précipités se font entendre à l'autre bout du couloir. Alors moi, juste, j'aimerais bien prendre juste un couloir avant d'arriver au monstre, juste pour pouvoir me retrouver en fait dans un couloir parallèle, au couloir où se trouve le monstre. Tu as vraiment envie de passer à travers un mur, en fait. Ouais. Ok. C'est trop bien de passer à travers le mur. J'avoue. Il n'y a pas de souci. Donc, que faites-vous ? Vous qui courez, dans quel ordre arrivez-vous ? Toi, tu arrives à trouver un couloir parallèle, pas de souci. Bon, du coup, tu sais pas exactement où se situe la créature, après, il faut... Si, au bruit, quand même. A priori, elle est pas très discrète. Ils ont entendu le coup de tromblon, là, j'imagine. Ils ont entendu le coup de tromblon, mais le problème, c'est que la créature ne bouge plus, là. Et puis, elle est énorme, de toute façon. Elle est énorme. Oui, mais si t'es dans le couloir parallèle, c'est qu'il y a un mur entre vous deux, tu la verras pas. Non, mais bon, à mon avis, tu peux difficilement la rater. On verra. Mais du coup, ça veut dire que nous, on arrive, on a une énorme grosse masse avec une partie explosée et pas de Francisco, vu que t'es caché sous... C'est ça, complètement. Alors moi, j'y vais doucement, hein. Lentement mais sûrement. D'accord. Je vais les laisser aller avant parce que de toute façon, je peux pas flinguer la créature. En revanche, elle a de bonnes chances de me flinguer, donc je vais être en backup. D'accord. Donc c'est Erwan qui court et qui arrive dans le couloir et qui voit la créature, qui voit qu'elle s'est pris un coup, qu'il n'y a plus de Francisco. Mais la créature, elle est un peu sonnée ou elle se jette sur moi ? Elle se dirige très clairement, très à toute vitesse vers toi. Gros coup de gueule. De toute façon, c'est instinctif. Tu fais ton gros coup, c'est ça ? Ouais. Ok. Bah, vas-y, hein. Lance-moi tes dés. 12. Ok, bah, tu lui infliges tes dégâts. Dis-moi les différents tags de ce que tu fais. Comme tu as fait 10 plus sur casser des gueules, tu vas pouvoir choisir une option. L'attaque prend la forme suivante, 2 dégâts proches, évident, ignore l'armure. D'accord, ça ignore l'armure aussi. Ouais. Ok. Bah du coup, vu que j'ai l'air de devenir chaque fois plus professionnel avec ça, moi je le vois se jeter sur moi, du coup, paf, une grosse onde qui le massacre. Qui le laisse sonner en tout cas, je pense. D'accord, donc en termes d'options que tu choisis sur... Je le pousse où je veux, pour le mur. Tu le repousses en arrière. Oui, je le repousse en arrière pour que Abe arrive. Fais en sorte qu'il arrive là où je suis, au niveau de là où je suis. D'accord. Ok, pas de soucis. Il y a sa grosse masse, il se prend mon onde de choc en tronche et du coup, dans la tronche, il perd l'équilibre et sous son poids, s'effondre derrière. Ok, pas de soucis. Et donc là, Abe, Big Joe Moi, je vais défoncer le mur et en passant, je vais, en gros, là pour le coup, ce sera avec mes poings, je vais essayer de lui transpercer le corps. D'accord, ok, lance-moi les dés pour voir ce qui se passe. La graisse qui va bouger au ralenti là. 8. 8. Donc tu infliges des dégâts, mais tu en prends aussi. Donc tu passes à travers le mur, tombe sur la créature, lui envoie plusieurs coups bien assénés, et alors que tu concentres ta puissance dans ton poing pour le transpercer définitivement, tu sens comme une espèce de morsure. Deux des langues viennent de se poser sur toi et commencent à aspirer ton essence. D'accord. Donc combien de dégâts as-tu fait à la créature ? Alors quand c'est avec mes mains, ça fait 2 dégâts personnels à longe sanglant. Donc lui t'inflige aussi 2 points de dégâts qui ignore l'armure. Qui ignore l'armure ? Ouais, ouais, ouais. Est-ce que moi je peux essayer de lui porter poisse ? Genre pour que les langues lâchent, la lâchent ? Je sais plus ce que ça fait porter la poisse. Vous créez des coïncidences quand vous portez la poisse à une cible, c'est des plus bizarres. Et soit interférer avec un chasseur pour lui donner moins 1, soit pour lui donner plus 1, soit interférer avec ce qu'un monstre essaye de faire, provoquer un accident qui inflige un dégât à la cible, et la cible trouve quelque chose ou perd quelque chose. Un peu, attends, juste. Regardez, Big Joe, toi tu fais quelque chose de particulier ? Il observe. Ah, quand même, je vous ai aidé. Allez-y ! Un peu. Allez-y ! Au départ, je voulais rester loin. Je me suis dit, tiens, pour une fois, je vais pas m'en prendre plein la gueule. Ouais. Mais bon, je vais quand même rester loin. Je vais pas non plus. Oula, tout doux, tout doux. Moi, je vais invoquer un diablotin. Ouais. Avec mon artefact. Et je vais lui ordonner d'aller nouer les langues de la créature pour le bloquer. D'accord, ok. Voilà. Ah, il va se faire bouffer ton diablotin. Je m'en fous. Du coup, est-ce que moi je fais mon truc de poisse ou pas ? Bah ouais, vous pouvez le faire ensemble. Hein. Après, les deux peuvent se faire en même temps. Parce que là, vous voyez effectivement la créature et Eb au corps à corps. Vous avez vu les langues se poser sur. Moi j'ai 7. 12. Aïe aïe aïe. Tiens. Ok, donc. Oh, je suis bien. Eh, sur un plus 10, réserve de 2. Hein. Réserve de 2, ah oui, donc tu peux là faire 1 pour interférer avec la créature. Et te donner un plus 1. Ah. Là où t'en as besoin. Mmh. Il n'y a pas besoin. Bah là, ça fait 7 ou 9. Bon. Mmh. Bah, tu risques de prendre des. Enfin, ah, j'ai un pépin. J'ai un pépin. Ah, t'as un pépin là ? 7, j'ai un pépin. Ah. Et à 8, t'as un pépin ou pas ? À 8, j'ai un pépin aussi. Ah, bah alors ça à 9, j'ai un pépin. Non, ça change rien du coup. Non. Donc tu peux réserver un. Donc qu'est-ce qui se passe ? Raconte-moi, Erwan, comment tu t'y prends pour que les langues lâchent Abe ? Et ensuite, Big Joe nous racontera comment son diablotin arrive à nouer les langues, mais qu'il lui arrive une merde. Moi, c'est avant l'arrivée du diablotin. Ouais, bah là, les langues, elles sont sur Abe, elles sont en train de lui aspirer son essence. Tu vois, effectivement, au niveau où sont posées les langues, tu vois la peau de Abe qui commence à prendre une teinte grisâtre et des stries noires qui apparaissent. Et ben en fait, quand elle a cassé le mur, ouais. Juste au moment juste où je fais mon coup, il y a un morceau de mur qui tombe, paf, juste sur les deux langues. Et qui l'oblige à lâcher prise. Là, tu reviens un peu en arrière. Bah non, ça arrive au même moment, non ? Bah. Elle casse le mur. Ouais, elle casse le mur, ils se battent avec la créature. Ah, d'accord, pour moi, c'était juste un coup et. Non, enfin, ils sont pas en train de se rouler par terre parce que sinon, là, elle serait morte étouffée, vu la gueule du bousin, mais. Non, ils sont en train de se mettre dessus joyeusement, là. D'accord, ok. Juste pour précision, je suis instable en termes de blessure. Ah, ah oui ? Tu t'es déjà pris des dégâts avant ? Bah j'avais déjà 2 points de dégâts, mais qui datent de la partie d'avant. Notre partie d'avant. Hein. Ah mais les dégâts de la partie d'avant, ils étaient. Ah bon ? Ah oui. On peut les enlever ? Ah oui. Bah, on a dormi. Ça dépend de quelle partie ? Pas que. Bah celle sur. La flamme. Ah la flamme, ouais. Ah bah oui. Moi j'avais tout gommé déjà donc. Ah oui. Moi aussi. Vous étiez soigné depuis la flamme. Vous avez passé une semaine à regarder Babes and Will devant la télé en attendant que Colo pointe son nez, etc. Voilà, on s'est soigné. D'accord, du coup. Raconte-moi, est-ce que tu fais de la télékinésie ? Est-ce que tu prends du coup les briques qui sont tombées pour les balancer sur les langues pour essayer de les couper ou les faire lâcher ? Bah, je sais pas, parce qu'en soi, mon truc, c'est que je crée des coïncidences. Est-ce que ça veut dire que c'est quelque chose qui arrive malgré moi ou est-ce que c'est moi qui fais quelque chose ? Ça arrive. Bah, il peut y avoir un morceau de mur qui tombe après les autres. Ouais. Bah, alors on est dans des égouts et lui, il est gros, est-ce qu'il glisse, est-ce que ça figure ? Il a l'air particulièrement agile hein, pour quelque chose d'aussi gros quand même. Hein. Il a pas l'air d'être. Ça a pas l'air d'être le bon gentil patapouf non plus. Hein. Il a l'air d'être quand même. Plutôt réactif. Ouais, il a bien fait de prendre ses pilules, là, Rodi. Avant, il était pas si agile, le petit. Hein. Il était nul au gym. Bon, il a pris du poids, mais il a gagné en souplesse. Hein. Monté à la corde et il était dernier. Effectivement, peut-être qu'un morceau de mur tombe après les autres, était branlant et tombe après les autres et tombe sur les langues qui sont attachées à Abe. Ça peut être une chose. D'accord. Dis-moi. Bah oui, moi j'aimais bien cette idée-là. Ouais. Parce que voilà, j'étais partie sur le fait que c'était malgré moi que je ne pouvais pas contrôler. Ok, donc en fait, alors que Abe et la créature se battent, un coup donné par Abe pousse la créature contre le mur et du coup, les différentes briques tombent sur la créature et sur les langues qui s'arrachent de toi et donc tu te sens mieux. maintenant ton aspect, ni ta graisse, ni ton essence, tu te sens vachement mieux. T'as perdu quelques petits kilos entre temps. T'es pourtant déjà pas bien gros. Maintenant, c'est le cri de Lynch. Juste, est-ce que Colo est là? Je sais pas, écoute, tu m'as pas dit donc. Il est pas arrivé, Colo. Mais est-ce que c'est un move après que genre je peux l'appeler ou... je sais pas, est-ce que vous l'avez pris avec vous? Non, mais bon, après on est liés. Hein, tu pourrais très bien appeler Colo, il n'y a pas de souci pour moi, il n'y a pas de problème. Mais du coup, est-ce que. Enfin bref, c'est juste en termes. On n'a pas son point faible non plus. Oui. Faut qu'on se casse en fait. Bah non, parce que moi je compte sur le fouet de Abe. Bah oui. Et ton diablotin, il a fait quoi en fait? C'est banon là. Ah bah du coup moi le diablotin j'utilise là. J'ai jamais décidé ce que serait l'objet que j'ai piqué. Je pense une pièce. Genre la cubité jusqu'au bout, le gars il a piqué une vieille pièce magique. Voilà. Une pièce. Non, une pièce. Une vieille pièce en or. Ouais, voilà, ça va être ça l'artefact que j'ai piqué. Encore. Ça commence à faire beaucoup de liens. Hein. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Ah, c'est bien. Ouais. Il faut relier les choses. Ah, c'est trop. Faut pas lancer que des choses éparpillées, faut relier. Non, bah du coup, je la frotte, il y a un diablotin qui apparaît, comme à chaque fois d'ailleurs. Du coup, je lui ordonne d'aller distraire le monstre. Et en fait, ce connard me pique mon taser. Voilà. Taser. Ouais, mon taser. Et il va, en fait, il tase les langues. D'accord. Et pendant que les langues sont inertes l'espace d'une seconde, il en fait un nœud avec. Et pendant qu'il est en train de faire ça, la créature pour se réveiller, il le bouffe et mon taser avec. D'accord. Et ton pépin, en fait, c'est que tu n'as plus d'armes du coup. Bah, j'ai mon colt, mais j'ai perdu mon taser. Ok, ça me va, mais j'aime bien le. J'ai perdu encore un diablotin de plus. Bon, ça c'est. T'en as combien? C'est l'infini. Bon, moi j'ai toujours considéré que c'est l'infini diablotin, tu veux. C'est les crash tests de mise, tu vois. Si tu veux. Ça se trouve, c'est toujours le même diablotin, hein. Peut-être que quand. Ah, c'est possible, c'est. Quand il meurt, ça fait pop. Et puis il se retrouve à devoir expliquer à son superviseur pourquoi il est revenu. Hein. Je vais l'appeler Gaston. Ok. J'ai un peu l'impression que t'as embauché un cobal, mais tout va bien. Effectivement, tu vois une espèce de petite créature noirâtre, verdâtre, qui sautille en ricanant et en mettant des coups d'éclairs électriques un petit peu partout. Il y en a qu'on joue à Overlord, la série. Ouais. Et, J'ai regardé la série vite fait, mais j'y ai pas joué. Non, les jeux vidéo. C'est une série de jeux vidéo qui est inspirée de Dungeon Keeper, où c'est pareil, en fait, t'as un grand méchant qui. Tu gères un donjon. Ouais. Ouais, plus ou moins. Et en fait, t'as des grouillots comme ça, t'en as plein. T'as plein, ils sont. Attends, je vais essayer de trouver les créatures. Du coup, effectivement, un petit imp qui tasse les trucs et qui, après avoir fait des nœuds avec les langues, se met comme ça, tu sais, en pose victorieuse, en train de rigoler, et puis tout à coup se fait bouffer par une des troisièmes langues parce qu'il y a. Ouais. Que faites-vous Que fait Francisco maintenant qu'il a passé du temps dans le sol Bah, du temps, tout se passe très vite, là, non, quand même. Je ressors du sol, recouvert de saloperies des égouts, hein, évidemment. Ok. Je vois qui est blessé, la créature au milieu. Alors, ce que tu vois, donc c'est dans le couloir, un mur qui s'est effondré, la créature qui est plus ou moins à terre avec Abe qui tape dessus. Abe qui a l'air blessé, qui a l'air d'avoir deux traces sur elle où la peau est grisâtre avec les stries noires. Tu vois que Erwan, elle, a dû déclencher un gros coup parce qu'elle a les cheveux en mode hérissé. Voilà. Bah, tout va bien là. Tu vois Big Joe qui est en train de frotter une espèce d'ancienne pièce dorée. Tu as entendu au bruit qu'il avait sans doute réussi à réinvoquer à un de ses petits diablotins, qui ont d'ailleurs tendance à finir mangés par les créatures. Ouais. En fait, le premier aussi s'est fait bouffer. Hein. Ouais, c'était pour me sauver le premier. Ouais, il a fini dans la gorge de l'ange immatériel. Bah, je sais pas quoi faire, soit je tire, soit ça sert à rien de tirer là. Bah, il y a Abe qui est là, mais bon, c'est vrai que la créature est grosse. Donc, par contre, tu sais que sur un 6-, c'est peut-être pas la créature que tu toucheras. Ouais, non, j'ai pas envie de tirer du coup. Hein. Et on peut pas t'assister? Moi, je peux te donner un +1 que j'ai en réserve si tu rates. Mais vous pensez qu'il faut qu'on continue à s'acharner sur lui et le tuer comme ça? Bah, lui, comment il est là? Il est toujours aussi pimpant? Enfin, je veux dire, question énergie, ou il commence à s'affaiblir un peu? Ah, il y a des blessures qui sont marquées, mais les blessures ont l'air ridicules par rapport à la masse du truc. Ouais, ouais. Alors, je vous rappelle que je peux faire le rejet du mal, hein, c'est-à-dire bannir la créature surnaturelle. Pas vraiment et surnaturelle, non. Et le fond de sa graisse dans les égouts. Est-ce qu'elle est surnaturelle? C'est ça le problème. Bah non, c'est chimique un peu, non? C'est le mec qui a pris des pilules, qui s'est transformé. Et il était déjà gros. Je sors la boîte de pilules, comme des tic-tac. Soit évaluer une situation qui craint, soit enquêter sur un mystère. C'est pas franchement le moment. Bah, pour savoir quelle est sa faiblesse. Ouais, mais d'accord, mais en même temps, pendant ce temps, nous, on se prend une dérouillée monumentale. Ah, vous avez qu'à faire des bondés. Ou alors, il faut qu'on se casse, qu'on étudie les pilules pour trouver le point faible. Je sais pas. Faut pas lui couper une langue et partir avec la langue. Ah, vous me dites, hein, c'est... Ouais, bah, je... si. La question, c'est comment on se tire. C'est pour ça que je... Et sinon, moi, mon plus 1, c'est la cible perd quelque chose. Ah, on perd un bout de graisse. Mais je crois que j'avais la même chose avec Mathiel, je sais pas si un jour il a perdu quelque chose. Tu si. Ah oui, en fait, tu l'as... c'est surtout que tu l'as jamais récupéré, en fait. Si, il avait perdu un truc. Il avait perdu un... Ouais, j'ai un souvenir comme ça, mais je sais plus ce que c'était. Ouais, il avait perdu un bijou, un truc dans le genre, mais je crois que vous... je sais pas ce que vous en avez fait. Mais je crois que tu nous en as jamais reparlé, en fait. Moi, je vous les donne. Moi, c'est pas de ma faute si vous videz jamais votre sac. Hein, faut ranger ce que vous mettez dans, dans vos sacs à dos, les enfants. Hein. Je ne suis pas responsable du rangement de votre chambre, s'il vous plaît. Je ne peux pas essayer d'utiliser la magie, par exemple, pour... Le paralyser, l'empêcher de bouger par exemple. Bloquer la créature, ouais. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Piéger un individu, sbire ou monstre précis. Et puis moi je peux faire... je peux en même temps faire apaisement pour apaiser la créature. J'essaie de lancer un sort que je connais vite fait qui pourrait éventuellement paralyser la créature, même si elle est grosse. Ouais, moi ça me va. Hein, y a pas... C'est un jet bizarre en plus, je suis... Est-ce qu'en même temps vous voulez que je projette mon esprit ? Je suis bien bizarre. Ouais, t'es plutôt bizarre. Et après, comme ça, tu peux l'exercer, quoi. Toi, ça serait un exercice, ou toi, tu veux l'apaiser pour permettre à Francisco d'avoir plus de facilité pour bloquer la créature ? Parce que Francisco, ça va lui prendre un petit peu de temps. Ah oui, c'est ça. Donc, il y a des chances que la créature, elle cogne, quand même. Donc, Ouais, on va faire ça. Ok. Et du coup, on est... Alors, moi, je veux juste qu'on se mette d'accord. On la fige. Est-ce que c'est pour se tirer ? Est-ce que c'est pour lui piquer sa langue ? Est-ce que c'est les deux ? Qu'est-ce qu'on c'est fait ? Les deux. Les deux ? Pour prélever un truc et se tirer. Vous voulez pas la flinguer ? Mais apparemment, on n'y arrive pas. Bah, avec le fouet ? Bah, c'est surtout que ça pourrait nous permettre de savoir un petit peu plus ce qui se passe. Quoi, sur Atlantique, sur les pilules. On a les pilules, déjà. On a les pilules. On a les pilules, on a l'étude. Vous voulez qu'on le tue ? Moi, honnêtement. Le problème, c'est que si on étudie, comme demain soir, c'est la grande fête, est-ce que ce truc-là va pas rôder ailleurs, se cacher, tu vois, on va mettre du temps à lui remettre la main dessus. Ou au contraire, se régaler à la grosse fête. Ouais, c'est ça. Bah après, si on le bloque, déjà, on pourra... Mais On lui fait gober un des portables, on active le GPS. Alors, dans l'estomac, dans les égouts, je suis pas sûr que ça capte. Tu bah, vois, il va sortir à un moment donné. Non, c'est que ses langues qui sortent. En fait, ce qui serait bien, serait de parler. Est-ce que tu peux pas rentrer dans l'esprit du monstre ? Mais je l'ai dit déjà deux fois, j'attendais que vous agissiez. Ah, essayer de parler à Roddy. Ouais. En fait, tu l'apaises. J'essaye de le paralyser, on lui parle. Et peut-être qu'il va... On va t'aider, Roddy, machin et tout. C'est vrai que c'est une solution. Hein. Chaque fois qu'elle rentre dans l'esprit de quelqu'un, il y a le cerveau qui explose. Donc. Au pire, son cerveau explose. Allez, on fait ça, je suis décidé, ça y est. Comment ? Tu tentes l'apaisement ? Ouais, mais pour faire quoi ? Parce que... Pour le paralyser, pour qu'il soit un peu tranquille, pour que Erwan rentre dans sa tête. Apaisement, pour que la créature se calme un petit peu. Mm-hmm. Toi, tu lances ton sort pour le paralyser. Pour qu'il ouais, il nous tape pas dessus, quoi. Et toi, Erwan, tu essayes de lui rentrer dans la tête pour le... Bah, soit pour essayer de savoir ce qui se passe dans sa tête, soit pour essayer de contacter, de voir s'il y a encore une partie d'humanité chez lui en dessous du monstre, quoi. Ouais. Ce serait pas mal, ça. Ok, on peut faire ça. Ok, donc je commence à parler latin, là, dans... Je sais pas pourquoi la table. C'est moi qui... Apaisement, comment ça fonctionne ? Apaisement, pof. Bah, j'ai même pas besoin de jet de dés, apparemment. Ça marche sur les monstres ? Oui, on l'avait déjà fait avec l'ange. Je devais expliquer ce que je lui disais, en fait. Parce qu'en gros, c'est quand vous parlez à quelqu'un d'une voix calme pendant quelques secondes, vous l'apaisez, refoulez sa panique, sa colère ou toute autre émotion négative. Cette manœuvre fonctionne même si la source de l'émotion est encore présente tant que votre voix est audible. Ok, on va... Ok. Mais déjà, t'aimes pas ce move. C'est pas la première fois. Non, c'est pas ça, c'est juste... Mais en fait, quand il parle de personne, en fait, je pense que c'est des êtres humains. Il dit quelqu'un. C'est précisé quelqu'un, pas créature. On remarque ça. Bah en soi, il y a un être humain quelque part là. Mais après, c'est toujours. Parce qu'au bout d'un moment, c'est compliqué. Parce que tu me dis que c'est pas une créature surnaturelle, j'ai pas le droit de faire rejet du mal. Tu me dis que c'est pas une personne, j'ai pas le droit de faire apaisement. Oui, bah, je sais bien jouer. Tu choisis, c'est l'un ou c'est l'autre. Tu t'es fait piéger le gardien. Tu vas coincer le MJ. On part sur apaisement. Donc est-ce que je dois dire ce que je lui raconte ? Ouais, vas-y, bah tu me dis ce que tu fais pour l'apaiser, pour réussir à l'apaiser. Donc je lui parle, je grimpe sur lui et je me mets juste à côté de ce qui pourrait ressembler à une oreille. Je me mets le plus proche possible de son oreille. Tu fais de la ASMR au monstre. Et j'ai des souvenirs de certains chants anciens espagnols qui me viennent de mon expérience millénaire. Et je lui chante des chansons pour enfants qu'on chante pour calmer des nourrissons. Ok, ça me va. Et tu chantes assez fort pour cacher la litanie latine de Francisco. Tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça que je suis montée juste à côté de son oreille. Ok. Le combat entre Abe et la créature a l'air de se calmer. Se figer. Que fais-tu ? Je fais mon invocation pour paralyser la bête. Vas-y. Ça fait 10. La magie marche sans problème. Donc tu vois que la créature se raidit sous toi et semble immobilisée. Ça va, Palpatine ? Je cherche des trucs qu'on va dire en latin, mais je ne connais pas en fait. Allez, Rosam, Rosa et Rosa. C'est ça, voilà. Rosa. C'était. D'accord, Sic Pluribus. 11. Nominé Patrice. 11. Attention, Erwan, 11. Alors, soit je fais en mode c'est de la magie, enfin, entrer dans son esprit pour voir si. Écouter ses pensées qu'il y a derrière. Soit je projette, je fais le mouvement que je projette mon esprit, et du coup là il y a des questions. Mais les questions ne correspondent pas vraiment à ce qu'on veut savoir. Alors, savoir ce qui se passe dans la tête de quelqu'un, il y a un move pour ça chez l'épouvantail. Il qui... enfin, y a la télépathie. Non, mettre au diapason avec l'esprit de la créature, normalement, t'as un truc. Est-ce que tu as un diapason déjà ? Non. Ça va être dur. il était pas à 442 là. Il y a soit à l'écoute, soit télépathie. Oui, c'est ça, c'est à l'écoute, non ? Oui, mais à l'écoute, c'est que... donc il y a soit où se trouve la créature en ce moment même, que compte-t-elle faire en ce moment même, qui sera la cible de sa prochaine attaque, qui considère-t-elle comme la menace la plus importante, comment puis-je attirer son attention ? Alors que si je le fais en mode utiliser la magie, je vais essayer de lire ses pensées, parce que là, les questions... C'est vrai qu'elles correspondent pas, vraiment à... Donc, toi, tu veux utiliser la magie pour lire les pensées. Donc, 2d6 plus bizarre, donc tu l'as lancé. 11. Donc tu rentres dans la tête de la créature. C'est ça. Tu ressens d'abord une immense faim, une faim tellement forte qu'elle en est douloureuse. Tu ressens énormément de douleur du coup. Oui, mais j'ai fait 11, je m'en fiche. Tu n'exploreras la tête de personne. Ça titille quand même un peu. Tout au fond, comme s'il y avait une toute petite étincelle dans un tunnel noir, tu entends une pensée qui te dit « aidez-moi, tuez-moi ». Bon bah voilà, donc, il a demandé, hein. On a son accord, on sort les fouets. Est-ce qu'il veut signer un papier quand même pour nous le dire ? Qu'on ait une décharge. Tuez-moi, c'est ça qu'il dit. Hein. Aidez-moi, tuez-moi. Que fais-tu, Erwan ? Vas-tu chercher plus loin ? Vas-tu faire quelque chose ? La douleur due à la faim t'entoure quand même. C'est lui qui lui a donné ses pilules. Ouais. Il faut savoir qui lui a donné les pilules, parce que c'est eux les véritables responsables. Une pauvre victime, ce gros rôdi-là. Oui, c'est vrai, je peux essayer. Il aime beaucoup McDonald's, mais bon, ça, on peut pas lui en vouloir. Comment ? C'est de la grossophobie. Oui, je peux essayer de continuer de fouiller, m'approcher de cette étincelle. D'accord. Et essayer de voir les souvenirs qu'il a. D'accord, sur quoi en particulier ? Bah sur comment il a eu les pilules. Ok. Et pendant qu'on y est, comment s'est passé sa transition ? En fait, quand tu... un peu malsain quand même. Pousse. De ce côté-là, tu vois un homme habillé tout en noir avec un espèce de chapeau noir à large bord, une mallette à la main et qui tend les pilules. Et ce que tu vois comme image, c'est qu'une fois que Roddy prend les pilules, la tête de l'homme change complètement, se décharne complètement, ses yeux deviennent rouges, il y a une espèce de sourire immense qui s'affiche et t'as l'impression qu'il te regarde toi, qu'il regarde pas Roddy. Et tout d'un coup, tu sors complètement de l'esprit de Roddy. En fait, Roddy, il prend la pilule devant cet homme-là. Non, il prend la boîte. Il prend la boîte, d'accord. Oh, mais c'est comme si le mec avait vu que tu étais en train de la regarder. Oui, il l'a, ouais. Qu'il est magique. Pas humain. Il est métavisionnaire. Tout à fait. Ce qui est la marque des vrais méchants. C'est lui le grand méchant. D'accord. Il s'appelle Jean-Pierre, ça arrive. Et on choisit pas son prénom. Hein. Peut-être pour ça qu'il est devenu méchant. Ouais. Ça peut jouer. Ça peut jouer. Que faites-vous ? Pour le moment, la créature est paralysée, mais vous savez que ça ne va pas durer non plus ad vitam aeternam. Ah, bout portant, il a demandé qu'on le finisse. Ouais. Tu peux faire châtiment, quoi. Donc, ah bah non. Bah si. C'était soit une personne, soit une créature surnaturelle, c'est pas ça que tu me disais ? Bah de toute façon, même si c'est une personne, ça le tuera. Si ça peut créer une créature, tuer une créature surnaturelle, ça le tuera, quoi qu'il arrive. Châtiment, c'est votre corps et votre arme divine compte toujours comme une faiblesse contre les monstres que vous combattez. Ça, tu l'as de base, hein ? Ah, de base, ok. Oh bah ok. Là, ça, y a pas de souci. Mon coup de tromblon. Et la lumière fut. On y va tous ensemble. Bah oui. Vous avez le droit de faire une action, par contre, vous savez que ça risque de faire sauter la magie quand même. De faire sauter la magie. La magie qui le maintient immobilisé. C'est pas grave, il sera mort avant. Donc on va à bout portant, je plaque le tromblon sur la tête. Bon, je vais pas vous demander de jet pour ça. Tirer sur. Merci, heureusement. à bout portant qui est immobilisé, un coup de magie, ça serait. Tu préfères pas que ce soit moi avec mon fouet plutôt que ton tromblon ? Ah, mais vous pouvez tous mettre un coup. Ouais, on se met dessus comme ça, on est sûr de lui. Ah, mais oui. Tu sais, l'arme peut sauter. Oui, ton tromblon fantomatique peut s'enrayer. Non, pas du tout, il m'a accompagné toute ma longue vie. En plus, on est dans les égouts, c'est un peu humide. Bah oui. Non, mais ça marche pas la poudre. C'est un truc magique. Oh. Moi, j'ai un coup d'eau de chasse, hein. Mais du coup, moi, j'ai mon fouet, hein, mon fouet. Oui, mais en fait, ce que je. Parce que mon fusil, je pense pas que je me balade avec. Ce que je vous proposais, c'est de tous mettre un coup avant que la magie ne saute. Ouais, oui, oui. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai un couteau et je lui crève un œil. Non, je rigole, c'est méchant. Ah, on l'achève. Moi, je suis au niveau de son oreille, donc en fait, je fais passer mon fouet autour de son. Ce qui était un coup à une époque. Donnez-moi vos dégâts. 3. 1. Toi, tu passes l'armure. Toi. Moi, je passe l'armure aussi. Toi, tu passes pas l'armure. Non. Non, bah, tu vois. Moi, 2, et je passe pas l'armure. 3. 3. Et tu passes l'armure. Ça veut dire quoi, passer l'armure? Ignorer l'armure. Moi, j'ai un. Moi, c'est écrit. Normalement, c'est dans les petits tags. Ton fouet, il ignore peut-être l'armure. Non, toi, ton fouet, il fait des trucs de zone, je crois. Allonge, zone sanglant béni. Ouais, non, il ignore pas l'armure. Parce qu'en fait, la couche de graisse est quand même assez impressionnante. Et donc toi, tu t'aperçois que la balle, elle rentre, mais c'est difficile. Mm-hmm. Toi, ton couteau de chasse rentre, mais ne transperce pas la graisse. Et toi, effectivement, ton fouet, tu tires comme si t'allais le décapiter. Tu t'aperçois que ça résiste vachement, en fait. Ça glisse à moitié, en fait. Et puis, t'as surtout du gras, en plus, qui se met sur la lanière de ton fouet que tu tenais. Et ça glisse dans les mains. Et le tromblon, par contre, il se le prend, là. Ouais, le tromblon, il se le prend, effectivement. Sur tout ceci... Enfin, ce que t'oublies quand même, c'est que mon fouet, normalement, il compte comme une faiblesse. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ça veut dire que quand vous allez le détruire, ouais, avec... à ton fouet, elle sera définitivement morte. Tu n'as pas besoin d'aller chercher son point faible. D'accord, c'est pas comme de l'eau bénite avec un démon, quoi. Parce que normalement... Si, c'est ça, en fait. C'est ça. C'est que, en fait, si tu... Il devrait même ignorer sa graisse, c'est ça le truc. En fait, il faudrait que ce soit le dernier coup qui soit porté avec le fouet. C'est tel que je l'entends comme ça. D'accord, ok. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, c'est un peu dans l'idée, si d'accord. Tu veux. D'accord. Imagine, tu tires à la Kalachnikov sur un démon, au bout d'un moment, le corps va finir par tomber, mais il va se relever quelques heures, quelques jours après, et guérir de ses blessures. Un peu imagine le loup-garou, en fait. Au bout d'un moment, il régénère, sauf si tu le tapes avec de l'argent. Ouais. Ou autre chose, ça dépend du loup-garou. Donc là, c'est juste qu'il se régénère. Là, pour le détruire définitivement, pour éviter qu'il revienne une fois que vous l'avez terrassé, il faut utiliser sa faiblesse. D'accord. Ou les armes qui sont considérées comme des faiblesses. Ok. Donc là, il est toujours vivant. Et... il est quand même dans un sale état. Eh bien, oui. Il a la tête qui pendouille un peu, non même. Ouais, tout à fait, mais de toute façon, il avait déjà une tête un peu bizarre. La tête pendouillait déjà un peu. La tête pendouillait déjà un peu, et puis sa bouche, faisant à peu près 2 mètres de haut, faisait que... Effectivement. Et donc, là, la magie saute complètement. Vous êtes tous repoussés, alors que la créature a les différentes couches de graisse qui commencent à trembler et à se contracter pour vous projeter. Pour vous projeter sur les côtés. Que faites-vous? On est projeté là, on a percuté les murs. On est déjà projeté ou ça va se faire? Vous êtes en cours de projetage. Arrêt sur image. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse du coup, à part se péter la gueule? Bah, si on essaie pendant qu'on est projeté. Ah, vous êtes repoussé plutôt que projeté en fait. Oui. Bah là on se casse là. Est-ce qu'il est simplement en train de nous projeter ou est-ce qu'il essaie de nous attaquer en même temps? Eh, on est à deux doigts de le détruire là, hop. On retire du coup. Les langues restantes qui ne sont pas nouées ensemble commencent à retrouver de la vigueur et à battre dans tous les sens. La créature semble se relever de manière assez étrange, comme si en fait c'était la masse graisseuse qui se transportait d'un côté et qui faisait qu'en fait les pieds se retrouvaient vraiment au sol. Enfin, c'est un peu comme si ça glissait. Un blob. Bon, pendant qu'on est projeté, moi je m'accroche à une de ses langues et je la coupe et je lui fais un dégât. Parce qu'il me restait une réserve plus 1 de tout à l'heure. Ça négocie. Voilà, parce qu'il y a un dégât en plus et il faut qu'on le finisse. Tu lui mets un coup de couteau dans la langue. Voilà. Et la langue est en partie tranchée. Voilà. Hé, on a notre langue, on peut y aller. Moi je tire encore là. T'as un bout de langue. J'ai un bout de langue. J'ai le droit de retirer une fois? Oui. Comment ça se passe? Là il répliquera. Là on est à. Ah oui, donc on se casse. Non mais on a deux doigts de le finir, allez. Mais oui, allez, c'est clair, on va finir là. C'est bon. D'accord. 9 plus 3, 12. Donc 3 dégâts, il prend encore. Et il a plus 3 en plus. T'as une option toujours à 10 plus, hein, sur casser légal. Ah oui, j'inflige des dégâts considérables. Plus 1 dégât. Tu lui mets 4 dégâts. Je mets 4 dégâts, ouais. D'accord, ok. Un tromblon de ouf. Non mais il est à combien de dégâts là? Il est à 10 de dégâts au moins. Lui? Ah, il a pris très cher, Peter, ouais. Mmh. Ah, il a pris. Il est toujours vivant. Tu vois une langue qui se dirige vers toi et qui te choque, te chope et t'infliges 2 points de dégâts qui ignore l'armure. Pardon? Putain, à chaque fois tu te prends des coups gratuits, quoi. C'est uniquement entre, si, c'est entre 7 et 9 que je reçois des dégâts. Là, je reçois pas de dégâts. Ah, si, si. Tu reçois des dégâts tout le temps. Si tu fais 10 plus, tu peux choisir de recevoir moins de dégâts, de faire des dégâts considérables, etc. Mais en gros, casser des gueules, ça représente une partie de l'affrontement. Faut pas voir que ça représente qu'un seul coup. C'est-à-dire que là, tu t'es placé pour mettre un coup, pour essayer de viser la tête. T'as pris un coup de langue qui s'est accroché, mais ça t'a permis aussi d'avoir l'ouverture pour pouvoir taper. Ok, je suis mal du coup là. Je suis instable. Abe, que fais-tu? T'as toujours été instable. Mais là, j'ai mal. J'utilise mon fouet et en fait, je vais les entourer autour de ces langues pour les briser toutes. D'accord, ok. Tu vas essayer de tout casser. Je vais filer un coup de main à Abe. Les langues seront sectionnées. Si tu fais 10 plus, je t'autoriserai à prendre ça comme option de manœuvre spéciale, du coup. D'accord. Et donc, toi, tu vas lui filer un coup de main. De quelle forme? Comme je ne ferai pas de dégâts de mon côté, voilà, je vais essayer d'aider. Et c'est un 8. Donc, tu aides. Dis-moi comment tu t'y prends. Bah en fait je lui dégage un peu le chemin quoi, c'est-à-dire quand les langues se dirigent vers Abe, hop, j'essaye de bouger à côté pour qu'elles viennent vers moi. D'accord, tu tires dessus pour les ralentir et tout ça. Ralentir, je tire un peu dans l'œil de la créature. Le but étant de lui dégager un peu le terrain pour qu'elle puisse. D'accord. Frapper. Donc en fait, Big Joe te couvre avec son colt et en essayant d'attirer la créature pendant que toi tu cours vers avec ton fouet pour. Ok, bah vas-y, hein, t'as ton plus un. Toi, Erwan, tu fais quoi? J'attends. ça fait 12. 12, bon, voilà. Donc, effectivement, tu infliges tes dégâts. De combien sont-ils? De 3. 3, ok, mais qui n'ignorent pas l'armure. Mm. Et donc, tu tranches toutes les langues qui continuent à avoir des soubresauts par terre et à ramper légèrement. Mm-mm. Donc, toi, tu as ta langue à la main et tu la sens ramper sur ton bras. Ah! Erwan, que fais-tu? Ah, continue de. Ouais, ok. Bah, je peux tenter un gros coup. Tu peux, vas-y. Est-ce que tu veux de l'aide? Oh, il y a toujours besoin d'aide pour et un gros si coup. Si t'as fait 12, t'avais pas un bonus sur casser des gueules? Enfin, 12 plus ton point à toi, ça faisait 13. Ouais, et donc l'option c'était... que je lui ai proposée, c'était de trancher les langues. Ce qui fait qu'on n'a plus du tout de langue, en tout cas, qui... Bah oui, mais moi, la mienne, elle continue de... Pourtant, la mienne, elle est séparée du corps. Ouais, elle est séparée, ça bouge. Et, ça veut dire que la créature, ce qu'elle fait en posant ses langues et en aspirant l'essence des gens... Francisco a subi, ce que Abe a subi, là il pourra plus le faire. En fait, d'une manière très mécanique, l'option proposée c'est supprimer une des attaques de la créature. C'est ça. Ouais. D'accord. On t'aide ou pas? Ouais, on sait jamais. Quelqu'un a un plus de en cool ou pas? Ça... Ouais. Moi j'ai plus de en cool. Vas-y, allez, okay. Coup de main. Et en plus, tu cherches à te venger. Non. Si, 7, c'est bon. Comment fais-tu pour. Pour aider ma petite fillette? Ouais. Je veux dire. D'ailleurs. C'est la langue en fait qui t'attaque. juste un truc avant ça. Donc, tu as réussi à trancher toutes les langues, mais la créature t'a quand même mis un coup de son énorme bras lipidique. Ouais, et donc tu te prends 2 points de dégâts et Big Joe t'ayant aidé, Big Joe se prend le troisième point de dégâts qui aurait dû t'attendre. Bonne ambiance. On vote? Moi je suis contre. Ok, du coup là pour le coup je suis en instable. Moi aussi. Ouais. Et alors, Erwan, qu'est-ce que tu essayais de faire quoi? Bah, moi en soi, la langue, j'en ai rien à battre, je la balance par terre. D'accord. Fait, non, bien sûr. C'est plutôt. Je repense à toute cette douleur qu'il ressentait lui. Ouais. Parce qu'en fait, là, je vois qu'on est en train de le massacrer et le pauvre, il meurt pas et il continue de souffrir. Et, il est en train de nous tuer surtout. Oui, mais moi, j'étais en contact avec cette partie de lui qui est encore humaine. Donc, ça réveille beaucoup de souvenirs en moi et en même temps, ça m'énerve énormément. Et, Ah, voilà! Coup, tu veux qu'il t'aide là-dessus? On vole une boule de feu. Oui. Et là, d'accord. Francisco doit t'aider. Et bah, j'ai réussi à t'aider. Viens voir si j'ai réussi à m'aider. Attends, moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que tu fais pour l'aider. Est-ce que je peux tirer avant, comme ça tout ne me retombe pas dessus? Bah, tu peux faire en conséquence. C'est ce que je peux faire pour t'aider en fait, c'est, je sais pas vraiment, à part de parler. Ouais, détourner la créature, essayer de lui parler pour la canaliser sur la créature, ouais, essayer ça. De faire en sorte qu'elle ne perde pas pied, qu'elle ne se laisse pas bouffer par son côté sombre. Prends la cible, tu sais, tu prends la croix et tu fais là. C'est à toi de jouer, Erwan. Faut pense à notre famille, à notre pouvoir. C'est en toi, Erwan. Tu es l'élu, Erwan. On le sait. C'est pas le bon livret. C'est ça. Non, je sais. 10. 10. Non, 10, 12. 10 plus 1. 12. Parce que j'avais oublié mes D'accord, bizarre. Donc gros coup, c'est comme le casser des gueules, sauf que tu le fais magiquement. Combien de dégâts fais-tu? 3, c'est gros coup, non? 2. 2, et ça ignore l'armure. Proche, évident, ignore l'armure. D'accord. Et en cas d'échec, vous subissez un contre-coup magique. Du coup, c'est-à-dire que je me prends quand même. Bah, y a pas d'échec là. Là, y a pas d'échec. Ouais, mais c'est pas comme. Du coup, c'est pas comme casser la gueule. Je me prends pas un. C'est pas comme casser la gueule. C'est pas dit. Tu peux faire du gros coup à la place de casser la gueule. Enfin. C'est ah quoi? Ah oui. Oui. Vous pouvez utiliser vos pouvoirs pour casser la gueule à quelqu'un. C'est ça. Mais du coup. Ah, du ça coup. À quoi de préciser qu'en cas d'échec, je subis un contre-coup magique. Si de toute façon, y a un contre-coup. En plus. En plus des dégâts. Ah, oui, ok. Bon, bah, heureusement que c'était un succès. Oui. C'est-à-dire que tu c'est bien d'être toujours armé et de pouvoir lancer des ondes magiques, etc., etc. Mais si tu te foires et que tu te prends des dégâts, enfin si tu te foires, tu te prendras des dégâts et en plus le pouvoir aura dérapé. D'accord. Donc tu peux choisir une option de casser les gueules. Plus un dégât. Pour le finir. Bah ouais, mais on sait pas si c'est bientôt fini, mais. Ouais, plus un de dégâts. Ouais. Donc plus un de dégâts. Et explique-moi comment ça. Bah c'est le même principe des ondes de choc, sauf que là. J'arrive à les concentrer, enfin genre une grosse boule au-dessus de ma tête, une boule d'énergie, et qui se projette sur la créature. Et qui percute la créature. Comme si elle l'électrocutait un peu en fait. Ça fait fondre la graisse. Pardon. ouais, effectivement, bah, de toute façon, avec tous les coups que la créature a pris, vous voyez effectivement donc, cette espèce de pu graisseux qui fond, vous voyez qu'il manque des bouts, etc. La créature te saisit et va pour te balancer sur Erwan quand elle s'effondre par terre. Ça, j'ai failli mourir là. Par contre, je crache dessus. Est-ce que tu vas me l'achever avec mon fouet? Ou à main nue, hein, si tu préfères. Ah ouais. Il y a moins de dégâts. Descendre du coude. Est-ce que quelqu'un m'assiste ou pas? Non, moi c'est bon, je t'assiste plus là. Moi j'ai pas besoin. T'as pas besoin de faire des dégâts là. Là c'est cinématique, mais faut que ce soit toi qui porte le dernier coup. Ok. C'est là où tu peux couper la tête, arracher le cœur, faire ce genre de choses. Ok, je fais passer le fouet autour de son cou. Ouais. Et là où il y avait déjà la marque que tu avais. Exactement. Et puis en fait, je cours dans le sens inverse pour le décapiter. D'accord. C'est ça. La tête de la créature volant à quelques mètres de son corps, la graisse fondant et crépitant. Donc il ne reste de cette rencontre en fait qu'une espèce de flaque graisseuse nauséabonde. Très ringoûtant. Ouais. On se fait un Burger King ? Il n'y a rien dans la graisse ? Non, enfin il y a des os. Hop, mets-moi tout ça à l'égout là. T'étais obligé de demander ? Mission accomplie. On s'essuie. Non, mais là, on doit aussi enquêter sur ce qui se passe. Donc, il y a peut-être des indices. C'est pour ça que je pose la question. Là, pour le coup, c'était franchement pas dans mes rituels. Ah non, c'était pour savoir si on retrouvait des traces sur Atlantis, s'il y avait Exactement. Des traces de Roddy ou autre. Oui. Ce genre de choses, j'ai bien compris. Moi, j'ai compris comme ça aussi. Donc, c'est pour ça que je te dis, il n'y a que les os... Que les os sans la peau. Qui semblent particulièrement petits et particulièrement distants des uns des autres par rapport au corps, tu penses. Mais oui. Les os étaient là, mais que les ligaments et autres étaient extrêmement distendus. Et que... On sort des égouts, discretos. Couvert de graisse. Ouais, ça patine. De sang, de graisse et de... Avant de sortir des égouts, vous êtes sûr que vous voulez pas qu'on retourne à son appartement? Histoire de fouiller sur son ordi, de fouiller sur son agenda, pour voir si on trouve pas des traces de rendez-vous avec ce fameux mec. Si. Vous voulez. Après, peut-être que en pleine journée, vu... On va revenir ce soir. Ouais. Voilà, entre les égouts, la graisse, le sang, les blessures... Les coups de feu. C'est vrai que vous êtes instable en plus. Voilà. Ou alors vous envoyez quelqu'un qui est pas trop amoché ou qui passe encore à peu près bien, mais. Bah on voit Colo. Ah. Ouais, tu peux envoyer Colo. Colo, que tu n'as jamais appelé. Oui. Colo, j'ai jamais. Voilà, il sera occupé. Puis d'ailleurs quand il me voit débarquer comme ça, mais il est complètement affolé, quoi. Mais pourquoi vous m'avez pas appelé, putain. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On captait pas les égouts. C'est ça. Les ondes télépathiques passaient pas non plus. Je rigole. Non, il me croira pas, surtout que je suis dans un souterrain, c'est mon univers. C'est ça. Juste, il me croit. Je suis désolée, j'ai pas pensé. Bah, il est occupé au bayou, en même temps, c'est pas à côté. Hein. C'est bien la peine de me faire revenir, de me faire parcourir des milliers de kilomètres pour, si c'est pour me laisser devant la télé, quoi. Mais rends-toi utile, va. Vous avez qu'une chaîne. Ça passe même Zenoui, il en boucle. C'est quoi ce délire? Je suis vraiment désolée, Colo. Il va falloir rentrer, là, c'est bientôt le épisode. Mais du coup, c'est moi ou t'es en train de te faire engueuler par ton sbire? Pardon? Ouais. T'es engueulé par ton sbire. Non, mais c'est un ami. Enfin, je veux dire, certes, c'est mon serviteur, mais on se connaît depuis tellement d'années. Puis vraiment, nos vies sont liées l'une à l'autre. Donc au final... Ah oui, il l'engueule, bien sûr. Si elle meurt, il meurt. Elle s'est pris une côte, tu vois, et c'est devenu Colo. C'est pas tout à fait vrai ce que tu dis. C'est ouais, pas vrai. Pas complètement. Fait chier d'aller chercher un nouveau patron. Du coup, Colo, oui, on aurait une petite mission pour toi parce que tu vois, on est un peu dégueulasse. Oui. Alors, si c'est pour le pressing, je suis pas sûr d'être la personne qu'il faut. Hein. Non, t'inquiète. Ce serait plutôt. On aurait. Enfin, moi, personnellement, j'aurais deux choses à demander. Aller dans l'appartement d'un certain... Rodi... Flores. De trouver tout ce que tu peux sur son ordinateur, agenda, etc., qui montrerait une rencontre avec un agent qui lui aurait donné des pilules d'Atlantix. Donc je ramène l'ordinateur, l'agenda et tout ça. Ouais, oui. Si vous voulez. Ouais. Enfin, si tu veux. Et deuxième demande, ramène-nous la fille, une certaine Sarah. D'accord. Si, moi je valide. Eh ben, je te soutiens, Abe. Et tiens, Colo, tu lui as ramené des cheeseburgers du... sur la route. Boucherie sans eau. Ah ouais, cheeseburger avec ce que tu as vécu, pas de soucis. Oui, c'est clair que moi, j'allais dire, on va devenir vegan avec cette histoire. Non, moi, c'est non, mais bon. Je vous rappelle qu'il a vu des zombies, il a quand même pris une pilule, hein, donc... Oui, c'est vrai. Il fait aucun effet, hein, lui. Non, mais j'aime bien le côté... En plus, je suis blessé, là, il faut que j'aille me soigner avec des cheeseburgers, je me soigne. Amène-nous la fille et des nuggets, tu vois. N'oublie pas la sauce... C'est Tous Dallas. Ouais, mais j'ai plus que 2 points de vie, il faut que je me soigne. Pareil. Ah, bah, je vais appeler un veto de ma connaissance. Mais d'ailleurs, avant de sortir, où que ce soit, tu veux pas que je te fasse une petite imposition des mains? Non, très bien. Parce que comme ça, si elle se foire, tu meurs. Ouais, non. Je suis tranquille à la maison. Ok. La confiance règne. Non, mais j'ai que 2 points de vie, si j'avais 3. Ouais. Ça, si tu m'en mets un de plus. C'est un point de vie de dégâts, l'imposition des mains, non? Ouais, donc tu peux ne pas me tuer, là. Ah bah vas-y là. On est retourné au van, on est dans le van. Attention, instable, ça veut dire que je peux te faire perdre un point de vie quand je veux. Tu me tues comme ça, je te déteste. Tu m'étonnes. Tu meurs de tes blessures, voilà, dans le camion, comme une merde. Et tu fais ça, tu fais maman. En fait, ta forme avec ce plastique fond et tu deviens le camion de Big Joe. Putain, c'est génial. Erwan, elle se demande si l'être divin, il peut pas se foirer encore plus facilement parce qu'il est instable. Non, bah, laissons tomber, on va se soigner avec les traditionnels, non? De toute façon, c'est la fin du mystère, là, j'imagine. On va se soigner. Oui. À quel point ça peut influencer le truc d'instabilité? Non, la stabilité, en fait, c'est que si vous faites des actions... en fait, la stabilité donne la permission au MC de vous faire perdre un point de vie comme ça. D'accord. Alors, faut voir que t'as une blessure ouverte, tu fais un 100 mètres, je te fais perdre un point de vie. Oui. Tu te concentres et tu fais l'appel à ton pouvoir divin alors que t'es instable et que tu utilises une partie de ton essence alors que t'en as déjà plus beaucoup. Oui, peut-être que ça peut te faire perdre un point de vie. Abe se rate pour soigner Francisco et le blesse encore plus. Oui, peut-être que la blessure est sa plus grave et que ça fait perdre un point de vie supplémentaire. Non. Et que Francisco fond pour devenir le camion de Big Joe. Big Joe appelle le vétérinaire que tu connais là. La question, c'est comment on soigne un fantôme? À la limite, l'être divin, il a pris un corps à peu près humain. Erwan, c'est une expérience scientifique, mais à la base, c'est humain. Big Joe, il est humain. Ça, le veto, il peut faire. Mais un fantôme? Mais il soigne des chevaux, il va bien soigner un fantôme, putain. Je sais pas quand je suis soigné la dernière fois. J'étais déjà blessé la dernière fois. Ouais. Non, mais tu peux mettre tes doigts dans une prise, hop, un petit peu d'énergie, et voilà. Mais quand tu te matérialises physiquement, t'as un corps humain. Bah oui. On peut soigner ce corps-là. Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. Ok, bah soignez-moi. Il n'y aura pas ton ectoplasme. Ouais, est-ce que c'est pas ça? Est-ce que le soin physique d'un fantôme, c'est pas d'aller voir un psy pour qu'il se remémore et sa forme entière, etc. Intéressant. Ce serait intéressant. Peut-être qu'il doit laisser pousser sa barbe. Ce serait intéressant, mais ça voudrait dire que les fantômes n'ont pas été soignés avant l'invention de la psychothérapie. Ouais. Ouais. Ou de la confession. Là, je ne sais pas. Qu'on fasse quoi? Non, je me soigne normal. Oui, on se tourne. Enfin, ça. Tu vas te soigner normal. Ok, bah, je rentre à la villa et. Donc on est tous à la villa là? Ouais. Pour moi, oui. Et c'est la fin du mystère, si cela vous va. The end. Très bien. Bah oui. On va prendre du galon là. Et oui. Bah je sais pas si on va en prendre tant que ça en fait. To be continued. Atlantix revient.